Les fardeaux de mon cœur et aussi, je ne compte qu'à je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé à la croix, à la croix, à la croix, où j'ai reçu le pardon. Les fardeaux de mon cœur et aussi, oui, je n'ai rien plus car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé, Nicolosso, mon combat a gagné l'ombre, Dieu Tout-Puissant, votre Père Céleste, nous approchons à nouveau de ton trône de grâce et de miséricorde. Et toi, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, miséricordieux, nous sommes rassurés que tu es disposé à nous écouter, à traiter avec nous ce soir encore, individuellement, comme tu le fais parmi les nations. Chacun individuellement. Mais nous sommes rassemblés à cause de ta parole. Et nous ne nous fait pas évoluer en solitaire. Mais cet évangile a instauré la communion fraternelle. Depuis ces jours-là à la Pentecôte, l'évangile avait été prêché aux gens pour la première fois après le départ de Jésus-Christ par la bouche des serviteurs que tu avais choisi. Pierre avait prêché en toi selon que tu l'avais ordonné toi-même. Et dans cet évangile, les croyants ont été nombreux. Et c'est toi qui as touché leur cœur. Et une fois qu'ils ont cru et qu'ils ont été baptisés, les Écritures nous disent qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, la communion de frères. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés ici pour communier en tant que frères, mais que chacun de nous individuellement ait à traiter avec toi, Dieu. Des chrétiens, Dieu de chacun de nous. Seigneur, bénis cette chère communion fraternelle. Qu'elle permette la croissance spirituelle de chacun et de toutes les églises ensemble. Tu avais dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Selon cette promesse, la communion ne consiste pas qu'à nous rassembler tout seuls, mais c'est ton nom Jésus-Christ qui nous rassemble. C'est en ton nom que nous parlons, Seigneur. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous agissons. Viens et manifeste-toi au milieu de nous. Et ta sainte présence te fasse se sentir et produisent les effets au profit des croyants. Pardonne nos péchés, tout ce qui fait suivre notre communion, tout ce qui fait suivre nos personnes. Laisse que le sang de Jésus nous lave, que nous soyons plus blancs que la neige. Toutes les choses entendues qui sont sales, toutes les choses faites qui sont mauvaises, détruis-les au nom de Jésus-Christ par la puissance rédemptrice qui est dans le sang. Nous voulons sentir que tu nous aides et tu nous secours, et que notre marche n'est pas incertaine, mais elle est soutenue par Dieu. Sois notre guide et envoie la parole pour que chacun soit édifié dans l'homme intérieur, que nous soyons fortifiés, que notre foi ait raison de gagner les victoires, de progresser dans la gloire du Seigneur. Détruis les images du Kabod. La gloire bannie à cause du péché. Les poutres sont propres de ce monde ici. Les blagues d'incrédulité. Enlève ces images-là, Seigneur. Restaure la gloire de Dieu. Et pardonne ton église. Là où il est coupable d'une manière ou d'une autre. Pardonne-la au nom de Jésus-Christ. Conduis cette réunion, Seigneur. Agrée-la toi-même. Tout ce qui t'a été offert. Agréez-le au nom de Jésus-Christ. Aimez à nous la joie. De te servir avec joie. De marcher avec joie. D'écouter la parole avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu béniras les saints dans les autres endroits, ils sont réunis sous divers horizons maintenant. Souviens-toi de ce petit troupeau. Et le pain de grâce renouvelé. Les bénédictions rassurées de l'évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur, notre grand médecin, pensons aussi aux malades. Tu les guérisses à l'occasion. Pour que nos lèvres se délient et glorifie ton nom merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous pardonnons. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Bible. Corinthiens chapitre 12. Nous prenons le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Penzambe atieba oyo boye kati na lingomba, na liboso bantoma, na mibale basakoli, na misatu balakisi, na sima basali na bikamuseli, na sima babikisi, na sima basungimpe, babongisipe, balobi na maloba ndenge na ndenge. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 7, et puis nous lirons le verset 9. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nzambi, nani ezali nde kolongisa yo. Ozali na eloko nini oyo yo, opesameli yango te. Soko opesameli yango. Pona nini ozali nde komikumisaka lokola ete opesami te. Verset 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, de condamner à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Mpote na banzete nzambe abimisi biso, bantoma na suka na molongo, lokola bato bakitisami ete bakufa. Et tous là, et tel ici l'impôt mokili, il paye pour la banque, il paye pour la bateau. Nous lisons les actes des apôtres chapitre 5. Donc autant la misère n'a pas tombé mon capomitano. À partir du premier verset. Mouta l'anzela kotanga libosu. Jusqu'au verset 8. Il nous l'anzela kotanga yamambe. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et rachetant une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mentir, mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Nde mobali moko kombo na ye Anania. Na mwasi na ye Safira elongo ate kati elanga. Nde abombi ndambo na mosolo ezuye. Mwasi mpe andimi bongo. Amemi ndambo na mosolo mpe ate yango na makolo na bantoma. Nde Petelo alobi ete Anania. Satana atondi motema na yo ete okosa molimo mosantu pe obomba ndambo na mosolo na mutu ya na elanga pona nini. Nano etikalaki yango. Ezalaki na yote. Pe esili yango kote kama. Ezalaki na maboko na yote. Otie na motema na yo kosala boye pona nini. Obuki lukuta na batote kasi. Obuki lukuta na Nzambe. Eyoki anani na maloba oyo. Akweyi na sempe akufi. Somo munene ekangi. Bango nyonso bayoki bongo. Nde bilenge batelemi mpe. Bazingiye na elamba. Bamemiye na libanda mpe. Bakundiye. Mwasi na ye akoti. Soko na tango misato na sima. Nde ayebaki yango ebimite. Petelo atuniye ete. Loba na ngai. Boteki elanga na bino na mutu ya boye. Ye alobi ete. Na mutu ya bongo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que tes zambes apambola botenge loba na ye. Veuillez vous asseoir. Okokine kovanda. Bienvenue à la table du Seigneur. Oui, malamu na mesa na nkolo. Dans la maison de Dieu. Kati na ndako na Nzambe. Nous sommes heureux d'être ensemble avec vous. Tozali na esengo ya kozala elongo na bino. Je l'ai mentionné dans les mots de prière. Lokola lobele ngo na maloba na libondeli. Pour cette communion fraternelle. Bona kosanga na kati na bondeko oyo. Cette communion qui a été instauré par le Seigneur Jésus-Christ. Faisons que les gens de diverses tribus et langues venant des origines claniques et ethniques aussi diverses que multiples qu'ils n'étaient pas au départ un même et unique peuple et qui ne se connaissaient pas par leur histoire, mais Dieu en appelle un à gauche, un autre à droite, un au nord, un autre au sud, un autre à l'est, un autre à l'ouest. Ils rassemblent pour constituer un corps qui est en communion. La bonne zambe ya kobenga moko na loboko ya mobali moko na loboko ya mwasi moko na ngele moko na likolo moko na ibimeli na tango moko na ye mulimo ile na tango ete basangana bakomande nzoto moko. Et Dieu veut le voir tous un. Zambe alingeti amona bango banso na bamoko uni basangana dans un seul et même esprit. Na mulimo obele moko moko. Vous voyez qu'il est impossible que l'esprit tribal ou clanique ou ethnique soit la base de cette communion ou de cette union. C'est impossible. Mais il faut que ce soit l'esprit d'en haut. Et chacun de ceux-là qui entre véritablement dans cette communion doit être né d'en haut. Moko na moko ya kokota penza solo kati na busangani yango esengele cha bota mape na likolo. Car ce n'est pas la chair qui nous unit. Pwete nzoto tende yiko sangisa kabisa. C'est pas la famille charnelle qui nous unit. Ezali libota o to bota mina nzoto yiko. Mais c'est l'évangile du Seigneur Jésus Christ. Ezali nga sangu malamu na mkolo na biso Jésus Christ. Dont il est écrit, nous sommes de sa race. Ezali le, ya libota na ye. Nous sommes de la race de Dieu. Ezali le na libota na Nzambe. Que Dieu soit béni pour cela. Ete Nzambe apambola mapona yango. Et nous voyons que Dieu dans sa manière de faire, il a instauré cette merveilleuse communion. Il a instauré des bases linguistiques, et une base tribale, même pas nationale. Mais tout ce que Dieu appelle doivent entendre sa voix, croire et se soumettre. Croire l'évangile et se soumettre. Et développer une sincère communion. Ayant l'amour des frères au fond des cœurs, un amour voulu, ardent, brûlant. Pénant de Dieu par sa parole. Sans hypocrisie. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 8, na matai mukapo ya mami. L'écriture a dit quelque chose là que vous savez. Ikoni elobi elokomo kukuna oibina boyebi. Matthieu 8 verset 11. Matai mwambe mulongo zomi. Et 12. Zomi na mibale. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Nazali koloba na bino ete mingi bakolongwa na epai na ibimeli na ntango mpe epai na emulimu eli na ntango mpe bakovanda kolia esika moko na Abalama mpe Isaka mpe Yakobo na bokonzi na likolo. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nde bana na bokonzi bakobwaka malibanda kino molili tu. Le verset 11 montre que Dieu en appellera un ici, un là-bas, il y en aurait plusieurs de différents horizons, de quatre points cardinaux. Et parmi les nations que Dieu va appeler là. Et nous le disions mercredi dernier, le nom du Seigneur était grand parmi les nations. À qui Dieu avait donné la loi par Moïse, les gens dénigraient la table du Seigneur. Les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu-même. Ils disaient que la table du Seigneur est souillée. Et ce qu'elle rapporte est méprisable. Répétez ici que la table de notre Seigneur Dieu n'est pas souillée. La table de notre Seigneur est délicieuse. Là est servie la parole de notre Dieu. Amen, la parole, il y a la vie. Et Dieu me dit, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Venez à moi et votre âme vivra. Il y a la vie dans ce qui est servi à la table du Seigneur. Voilà pourquoi on peut avoir la réputation d'être le peuple de Dieu. Comme c'était le cas avec Israël, mais l'homme de Dieu peut être totalement désaccord avec vous qui vous appelez peuple de Dieu. Mais quand il y a tout un regard vers la nation, il en a pris deux là-bas, trois et de l'autre côté, et il les a rassemblés sous l'unité de la foi avec un évangile unique. Le même évangile que Jésus-Christ avait introduit, les apôtres ont répercuté. Et le prophète du temps de la fin devait rétablir. Le même évangile constitue le peuple de Dieu après. Mais les fils du royaume, ceux à qui Dieu avait donné le royaume, il avait disposé à leur égard. Il a donné sa loi. Ils ont même pris de la table du Seigneur. Ils ont dénigré le poids de Dieu. Alors Dieu dit, je tournerai mes regards vers les nations. Et là je vais instaurer la communion. Vous voyez, quand Israël, il n'y avait pas une grande existence sur la communion. Parce que dès le commencement, ils descendaient tous d'un seul ancêtre commun. C'était Jacob qui était appelé Israël. Ils étaient tous les descendants d'un même ancêtre. Et celui-là aussi était descendant d'Abraham. Par Isaac. Vous voyez, donc la nature les reliait d'une façon. Donc ils avaient une même langue. Ils parlaient la langue d'Israël. C'est vrai. Alors là, on n'insiste pas trop sur la communion. Parce que les forces de la nature, leur histoire commune, les condamnaient à vivre ensemble. Et ils avaient les mêmes convictions religieuses. Parce qu'ils lisaient la même Bible avant que la la division dénominationnelle ne vient les éparpiller. Avant que la politique ne vienne les diviser. Ils étaient un peuple unique. La politique les a divisés après le temps de Salomon. Cette politique qui est unique. À cause du péché d'idolâtrie de Salomon, le royaume d'Israël qui était unique, Et le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie. Alors que le territoire que Dieu avait donné à son peuple après la sortie d'Égypte était un seul et même pays, un même territoire. Là où Gédéon était juge, c'était un seul et même pays. Là où Samuel a été juge, Il s'est livré au péché. Il a pratiqué les iniquités. À cause des femmes, l'amour excessif des femmes. Et la Bible dit que ces femmes, dans sa vieillesse, ont détourné son cœur de l'Éternel. Parmi les nombreuses femmes qu'il est allé épouser, il y en avait des Moabites, il y avait des Sidonites. Des différentes nations auxquelles il était interdit à un Israélite d'aller s'allier. Na basi bele ya balatua na basi na basi ya Sudona ba mabasi ya Moaba. Oye lilo bananzambe peki saki bangweje mwana na Israela kiko bala na mabangweje. Et Israël adorait le Dieu de son pays natal. Mokona mokona basi yango wabanda kukumba mela kanzambe. Il aurait pour le plaisir d'avoir une source de communion avec ses femmes. Et c'est prêt à se faire sa basi ya sangana na bangweje. Alors on a commencé à donner aussi des sacrifices à tel Dieu. À cause de sa femme telle, et c'est l'autre Dieu là-bas, à cause de sa femme telle, et des choses comme ça. Un vieil homme, rétrograde. Paka ya mobali ya a zonda kati ma solomo. Abanagine po kabaka pe, makabu epaya, babas, banzambe ya basina bangwa, oye mwasi songol, nzambe na ye songol, akabeli ye mwasi mpaka la bongo, nzambe, abanigo kabela bango bilo vene mwasi. Et pourtant, la loi de Dieu est claire. Zakane mwada kono nzambe zaki polele. Il n'aura point d'autre Dieu et ses femmes à faire. Okozala nzambe mwususu ne liboso nangayi. L'Éternel votre Dieu est l'unique Dieu. Yawe nzambe na bita zara wabele, ye mwoko nzambe. Salomo vieillissant a oublié. Salomo le pola nunati a oublié. À cause de ce que tu as fait. Nantine na oye osali. Je diviserai le royaume que j'avais promis à David. Nako kabolaka. À cause je ne le ferai pas de ton vivant. Je le ferai après toi. Tout ça pourquoi? Dieu voulait garantir la paix qu'il avait donnée à Salomon, au règne, au peuple de Salomon, pendant son règne, parce qu'il avait fait une demande qui lui avait plu. Quand vous marquez Dieu exceptionnellement, il lui est difficile de vous retirer ses bénédictions. C'est ce que j'aime que chacun de nous marque son Dieu exceptionnellement. Amen. Il peut vous arriver même des situations qui pourraient vous faire mériter la prison immédiate, mais Dieu va vous en épargner. Il se souviendra de votre bien. Amen. Et koki ko komelete okanga mokota boloko mbala moko kasi nzambe koki ko bikisa yo ko banza ka bobele bolamu oyo. Alors ceux qui attendaient votre chute imminente, oh, madame, vous allez dire, ah, mais ici, il faut que les dames, Dieu doit les châtier. Mais c'est la paix vraiment. Oui, attendez, vous allez dire, d'alliance. Il garde son alliance envers ses fidèles. Vous allez dire, comment est-ce que vous allez dire, vous allez dire, c'est là que ses voix sont insondables. Mais si. Vous allez dire, comment il a fait telle chose, il a dit telle chose grave. Mais Dieu continue à les bénir. Il est fidèle. Quand même les hommes de foi deviennent fidèles, il est souverain dans sa manière de conserver les bénédictions. Il peut faire que celui qui mérite vraiment la bénédiction soit encore gardé sous état de bénédiction pendant des années et des décennies. Alors toi, occupe-toi de tes propres affaires avec ton Dieu. Ne te mêle pas des affaires d'autrui. Ne demande pas pourquoi il n'est pas châtié. Tout dépend de la manière dont il avait marqué son Dieu à un moment. Zokale yo, koba mobele na makamuna yo, moko tala na ya yo, dimuza likubikele na nzambe, koko tala makambo abatute. Vous vous souvenez que la Bible dit, ne souhaite pas, ne désire pas la chute du méchant. Laisse Dieu se venger en son temps. Même si les humains pourraient faire de toi un escalier, comme le dit mercredi. Il faut réclamer par ton Dieu, grâce à ton Dieu. Ne leur souhaite aucun malheur. Aie un cœur chrétien. Laisse à Dieu traiter avec chacun comme il voudra. Ne sois pas complexé. Pourquoi Dieu ne me bénit pas moi? Occupe-toi de tes propres affaires avec ton Dieu. Car avec nous individuellement. Mais il est un Dieu d'alliance. Là j'insiste, si tu dois marquer ton Dieu, fais-le à mieux. Je pense que quelqu'un a dit, un bienfait n'est jamais perdu. La qualité de mon tout pas si la crevette, bon là, vous allez le même tout. Non, tu es bunga. Qui aimerait dire amen, c'est ça. Un bienfait n'est jamais perdu. Bon là, vous allez le même bunga kate. Alors, faites-le avec joie. Salayango, tout ce que vous faites, la Bible dit, faites-le avec amour. Mais dans le Nouveau Testament, c'est là que le défi de la communion doit réussir. Nous devons prouver au monde que le Saint-Esprit existe. Que quelles que soient nos origines divergentes et opposées, et nos langues diverses, nous pouvons tenir un même langage. Nous pouvons nous serrer la main comme frères et sœurs. Et vivre comme une sainte famille spirituellement. Vous dites amen. Que notre amour pour le frère soit sincère. Je l'avais dit, je le répète, et sans hypocrisie. Romains chapitre 12. Sans hypocrisie. Romains chapitre 12. L'écriture a dit ceci au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Voilà. C'est clair. Romains 12, verset 9. Nous ne pouvons vouloir ni le mal ni le malheur des autres. Nous devons nous attacher fortement au bien. Que le bien que tu souhaites qui t'arrivera, Et le bien, tu le souhaites aussi pour ton semblant. Parce que quel que soit ce qu'il a fait, ou ce qu'il t'a fait, souhaite-lui du bien. Bénissez le Seigneur et ne maudissez pas. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez bon et miséricordieux. Et vous obtiendrez aussi miséricorde. C'est vrai. Alors dans 1 Pierre chapitre 1er ici, nous avons au sujet de l'amour. L'Écriture dit au verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. L'amour de frère, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est vrai, hein? Avoir un amour fraternel, l'amour de frère. Et nous sommes exhortés à nous aimer ardemment. Dieu veut de cet amour chaud. Un amour sincère et chaud. Zalaka moto moto pour la bande qu'on a eu. Amen. Zalaka malili malili pour la frère dans la foi. On a battu dans la foi. On a rien différent malili malili tre. Zalaka moto moto. Amen. Au moment de qu'on a eu monter mes pili. Alléluia. Botonisambe. Amen. Botonisambe. Botonisambe. Maboko. Et vous légissez les genoux ensemble. Vous priez. Ne soyez pas comme les Chinois. Parce que vous vivez à Kinshasa. Priorité. Vous avez ma camarade, ma marche. Et bon, vous voyez, même pas la prière vraiment. Mais si tu l'as connu, c'est grâce à l'évangile. Et avant toute chose, rendez grâce à Dieu. Quand des frères se croisent, ils doivent prier. Quand des soeurs se croisent, elles doivent prier. Ne pas commencer à le bonheur basango. Passez à l'obini. Ça, ce n'est pas propre chrétien. Voyez, nous prions. D'abord, s'adresse à Dieu. C'est notre communion. Nous avons Dieu en commun. Il m'a appelé, il t'a appelé, il nous a appelé, il a fait de nous un peuple. Amen. C'est vrai. Bongo. Dans 1 Jean 3, la parole dit encore ceci. Verset 13 et 14. Il est. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Bandeko, bokamate soki mokili ekoyina kabino. Bisoto yebete tosilinde kobima longwa na kufa mpe kokota kati na bomoi po ete tolingi bandeko. Yeye ya kolingaka te atikali kati na kufa. Hein? Pour savoir que nous sommes passés de la mort à la vie, de la vie du péché à la vie de sainteté, à la vie d'obéissance que Dieu attend de nous. Wana koyebete tolongwe na liwa pe tokoti na bomoi ya bosetu. C'est par l'amour des frères. En aimant les frères. Et c'est très important. Hein? 1 Jean 4, au verset 11. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Balingami, ce qui nous a aimés, c'est que nous avons aimé. Et qu'on peut, nous avons aimé. Et encore là au verset 7. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Balingami tolingana. moto moninga na ye pote bolinga uti na nzambe pe moto na moto oyo akolingaka asili kobotama na nzambe pe akoyebaka nzambe. Il faut avoir cet amour. L'amour de frère et la communion fraternelle. Voyez dans Jean chapitre 13 verset 35, le Seigneur Jésus Christ lui-même quand il était sur terre a dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde entier saura que vous êtes vrais disciples du Seigneur Jésus. Cet amour doit être sans hypocrisie. Il doit être ardent et chaud. Amen. On ne souhaite aucun malheur à personne. Un amour sincère et chaud. Mais nous ne tellerons pas le péché dans l'église. Le péché doit être condamné. Les mesures doivent être prises contre le péché. Il y a eu, comme on l'a vu hier, le discernement prophétique à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Le mal qui couvait dans Simon le pharisien a été confondu par la haute sagesse. Il a dit fermé les portes de son cœur. Après son jour, il lui a tendu un bras de secours. Mais comme il n'a pas saisi, le pardon de péché n'est allé que vers la femme de mauvaise vie que lui indexait. Et le Seigneur ne s'est pas gêné de sauver une âme parce qu'il y avait un jaloux à côté. Quand il veut sauver, il sauvera. Quand il veut bénir, il bénira. Un Dieu d'alliance. Nos amis, confions-nous à Dieu. Au portique du temple, là où l'église primitive du Seigneur Jésus-Christ s'est rassemblée. À cause de l'excellence de cet amour, avec une communion fraternelle inouïe, inédite, ils avaient tout mis en commun, ceux de l'église du Seigneur. Personne ne disait que c'est bien lui appartenant. Mais il mettait tout en commun. À cause de cette force d'amour. Et Dieu a promis la restauration. Nous devons nous mesurer par rapport à ça. Aussi. Pas seulement nous flatter comme si nous avons tout. Cherchons ce qui nous manque. Comme dans la parabole de la femme qui avait perdu une drachme. Il est temps d'allumer la lampe. De chercher le balai. De fouiller, balayer partout. Rechercher le vertu perdu. Et une fois retrouvé cela, invitons nos amis pour partager la joie. Ayons ces vertus, mes frères. Soyons exemplaires des panneaux publicitaires. Et les vertus chrétiennes abondent dans chacun de nous. Que chacun cherche ce qui lui manque dans la parole. La théologie fonctionne encore. Dieu répond, priez jusqu'à présent. Non, mais ça ne peut pas être normal. Il change les circonstances. As-tu confiance que je dis vrai? Oui, tu es signé dans l'être dans la vie. Confiance que Dieu soutient? Vous allez les signer pour ça, ma chérie. La cause pour laquelle tu travailles, c'est une cause juste. Ce qui me tire, c'est le problème. Parce que le Dieu de Branham soutient la juste cause. Vous êtes en train de faire un peu de temps. Il faut toujours prier. Faites-le avec foi. Faites-le avec joie. Il est juste pour vous. Sans stupidité. Sans égoïsme. Je vais les déposer au pied des apôtres. Aussi sincère que possible. Mais un jour, là on l'a lu dans Actes chapitre 5, un homme est venu nommé Ananias. Non pas Ananias, le pasteur et prophète dont on a parlé hier. Mais un autre Ananias. Voilà chaque fois un peu la doctrine des jumeaux. Vous avez un bien ici, il y a aussi un mal à côté. Voyez, il avait sa femme du nom de Saphira. Et jusqu'aujourd'hui, parmi les chrétiens, je n'ai pas entendu le nom Saphira, qui est pourtant dans la Bible, être donné à nos filles. Vous avez déjà entendu? Une sœur quelque part a donné à sa fille le nom de Saphira. Ça y est aussi dans la Bible. On veut dire seulement que tous les noms qu'il y a dans la Bible ne sont pas forcément copiés-collés. Les noms du côté des hommes. Qui a déjà entendu et quelqu'un donna à son fils le nom de Nabal? La Bible dit que c'était un méchant. Moi, par la grâce de Dieu, je suis venu aussi en paix, même pas une inspiration, même pas une idée, même pas dans mes rêves, qu'un de mes enfants soit appelé Nabal ou qu'il soit appelé Saphira. Je n'ai pas reçu la charge de remplir la terre. Je n'en aurais que quelques-uns comme ça. Mais même dans mes rêves, même Saphira, Nabal. Non. Peut-être que toi, tu peux me dire, ça sonne bien, Saphira. C'est comme les noms d'une certaine zone qui ont des R beaucoup là-bas. C'est Saphira. Ça sonne vraiment bien. Son témoignage dans la Bible est honteux. Une femme menteuse. Comme un couple qui sert Dieu, j'ai tout à fait encouragé qu'ils se parlent dans leur manière de servir Dieu. Quand ils veulent offrir à Dieu, ils se parlent, ils programment. Mais ici, ils se sont arrangés un couple d'aller dire des mensonges. Saphira est venu au culte 3 heures après. Mais comment un couple, pour le bien, vous n'êtes pas en harmonie, mais pour le mal, vous êtes en harmonie. Pour vous arranger, allez tromper, vous êtes d'accord, vous êtes vraiment d'accord. Mais pour aller à l'église ensemble, en tant que couple, non. Comment ça? Pour le bien, chacun son heure, il va aller. Et quand il s'agit de se convenir pour faire le mal, c'est tout. Bon, inanime. Ayez en horreur le mal. Attachez-vous forcément au bien. Nous le répétons. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. C'est une recommandation biblique. Ce qui est bien est valeureux. Attachez-vous fortement à ça. Maintenant, vous pouvez vous demander, le culte de ce jour-là a duré combien de temps? Le sang Mukolango et Sarakin. On ne dit même pas si Ananias, le mari, était arrivé à temps ou en retard. Ça, c'est pas précisé. Mais on dit là que sa femme est venue 3 heures plus tard. Nous qui sommes trop pressés à l'église. Mais dans nos autres affaires, nous prenons tout notre temps. Quand on parle au travail, on prend tout le temps. Une fois à l'église. Hé, le temps, les, tout ça. Le faible amour qu'on a pour Dieu. On s'aime des fois soi-même plus qu'on aime Dieu. À l'église, on est pressé pour rentrer. Mais dans les autres affaires, quand on est dans les fêtes, les salles de fête, là où on prie les temps, à cause des lignes de danse, on a présenté les cadeaux, il faut prendre les sucrés, il faut prendre les repas, et on est encore là tous les temps. Il faut aussi dormir dans la salle. Les gens dorment dans la salle. Mais comptez-moi combien sont prêts à dormir à l'église. Là, vous êtes toujours dans la maison de Dieu. Après avoir écouté l'évangile, il s'est dit, à l'hôtel, il veut dormir ici. Est-ce que vous voyez ça fréquemment? Oui. Vous direz non, mais quand on va faire ça, ma bala, et ça n'a pas, quand il y a fait ça, chaque jour, c'est. Mais est-ce que fait ça, la paix, ça, à l'église, c'est. Est-ce qu'on ne bénit pas à l'église? Qui aimerait rester à l'église après la fête, la grande joie là de voir un couple béni, il va rester dans l'adoration jusqu'au matin. À l'église, oubliez les repas là-bas. Il y a là-bas. Vous voyez ce que nous sommes? Aimant le plaisir plus que Dieu. Amis de l'argent. C'est ce que nous sommes. Pour l'argent, il peut sacrifier son temps. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas correct. Mm-hmm. Là-bas, 3 heures après. Si c'était frère David, le prédicateur de l'Inga Sabo. Oumouni frère Ango. Oumouni Réunion. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Vous voyez pas? 3 heures après. C'est l'écriture de notre absolu, non? C'est la Sainte Bible de notre absolu, n'est-ce pas? Mais pour voter une réunion de prière qui dure 3 heures. Oh, c'est trop! On a colombé qui est au coup de la bambou. Je me souviens même quand vous tenez les assemblées générales pour l'oreille de culte. Il y a un frère qui a pris la parole. Il dit, on est pasteur, mais dans les manifestations culturelles, il n'est pas conseillé de tenir des réunions trop longues. Dans les manifestations culturelles. Autant mieux, 1h ou 1h30, et c'est fini. Un frère dans l'assemblée, suivez l'argument, dans les manifestations qu'il tirait. Dans l'assemblée générale, l'argument qu'il donne, et un frère. Nous sommes pas là. Oui, il y a eu Koloba. On a Koloba, on a Kotala, on a Kotala, on a Kotala, on a Kotala, on a Kotala, on a Kotala, on a Kotala, on a Kotala, on a Kotala, on a Kotala, on a Il n'y a pas de temps pour nous. Ce qui veut dire que pour lui, le culte que nous rendons à Dieu est une manifestation culturelle. Or, les manifestations culturelles sont des loisirs. Donc, nous venons à l'église pour un loisir, vraiment. Ou c'est le sens même de notre existence sur la terre, nous devons adorer Dieu. Ntena ya mtu akozalana na mukirewe ezalinde kokumba mena zambe. Alléluia au niveau de manifestation de l'esprit. Ezalinde kokitsa yango le kola bat ba yeko sala masala. Notre référence devait être la Bible. Ouais, c'est pour tout qu'on a mené là. Ezalé au mené Bible. Mais on ne doit pas vouloir une chose à son contraire. Donc on vous a mené là, on a au terme de yango te. Hein? Bon. Là-bas, c'est la Bible notre absolue. Quand nous allons à prendre des décisions, on ne connaît pas la Bible, comment ça se faisait. Et vous allez apporter la Bible à tenir. Tu as bien avec une idée ici. Oh non, ça doit être une heure. Si c'est vrai, c'est pas beaucoup. C'est un heure d'état. C'est ça le conseil des psychologues. Donc l'Église va prendre la décision. Et quel est le conseil des psychologues? L'Église sera dirigée par la psychologie. Mais comme ça que vous devez poser le Saint-Esprit, nous devons nous répentir de nos mauvaises natures et manières. Vous l'avez? Amen. Dieu du haut des cieux nous regarde, secoue la tête. Il a instauré la communion. Valeureuse. Saphira est venue à l'église 3 heures après son mari. Mais l'église continuait toujours là. Saphira a yati na ekelezia ngongamisa tuna sima yakoya mobali na ye. Le sabu, ils allaient kokoba. 3 heures après. Ngongamisa tuna sima. Son mari, quand il est arrivé, mobali. Le culte était là. Mobali na yata mwaya ki le sabu. Quand il a déposé. Le culte était là. Et quand sa femme vient, il était même déjà entré, elle ne savait pas. Bien-aimé, aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur s'il vous plaît. Les choses de ce monde ici auxquelles nous donnons trop de temps passeront toutes et resteront. Sera fini, c'est cette parole ici qui gardera ton âme. Il constituera ton espérance et le chemin que tu suivras dans l'au-delà. C'est la parole ici. Dilekwa mukiyo kolinga kabo tozali komipesa na yango nzokande ekotikala. Nzokande ezali kobele liloba oyo ndeko batela mwela na yo ndeko bomisi oyo nzela na sima ya bomo ezali kobika oyo kolakisa esika nini okokende. Alors, dans ce climat où l'amour triomphe. Na zebi oyo bolingo banda kibe kola. Et le Saint-Esprit travaille dans l'église. Eh bolingo sante kosala kande katana. Dans le flot d'amour. Et te kose pas kande. Bolingo mingi katana mitana. Et Fabrice a un modèle pour les églises à venir. Et tali sa kaya sali. Tali sa mokore yo pour les églises ici. Oye zala ta kere jana bino. Dieu écrivait le modèle à suivre. Zambe abanda kinde ko emaka. A quoi regarder? Nini yo sengeli nende kosala. C'est exactement cela. Nini zali kobele bongo. Alors pendant que le Seigneur le faisait. Voilà maintenant que cet homme est venu avec le mal et le mensonge. Et le même discernement qui opérait dans les prophètes. Comme en Jésus-Christ. Comme dans le pasteur et prophète Anania. Comme dans Agabus. Le même discernement a opéré un apôtre. Et qui ne s'est jamais présenté comme un prophète. Mais qui était un apôtre. Et quand il s'est présenté, nous pouvons lire ici dans 1 Pierre chapitre 1. Écoutez comment il s'est présenté lui-même, verset 1. Pierre. Apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ngai petelo ntoma na Yesu Kristo, na komeli bino bapaya na lipalangana kati na mpoto, na Galatia, na Cappadocia, na Asia pe na Bithynia. Qui est-il? Azalagina ni? Apôtre ntoma de Jésus-Christ. Dans sa deuxième épître, 2 Pierre 1, verset 1, il se présente encore. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, que la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Dans Simon Pétélo, moi, je peux entendre dans Jésus-Christ. Nazalinde kokomela bango basilinde kozoli kabo na kondi malolenga moko na biso kati na boyenge bene na nzambe na biso mpe mobikisi na biso Yesu Kristo. Zali Bongo. Était apôtre de Jésus-Christ. Quand il se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Apôtre et serviteur. Mais il s'est présenté comme un prophète. Et amen. Mais en lui, là, dans Actes chapitre 5 que nous avons lu, c'est en lui qu'a opéré le discernement. C'est en lui qu'a opéré le discernement. Dans le cas du couple d'Ananias et Saphira. Comme pour dire que Dieu donne souverainement ses dons. Même si l'habitude d'Anis Israël, c'était connu que le discernement était presque le propre des prophètes. Mais Dieu reste souverain dans la distribution des dons. Il en donne à qui il veut. C'est sa souveraineté. Et ici dans Hébreux chapitre 2, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nzambe atatoli yango na bilembo mpe bikamuse ni mpe misala na nguya na motindo na motindo mpe pona makabo na molimo mosantu mako makabolami pela moko ekanaki ye. C'est Dieu qui le fait de sa propre façon, comme il le veut. Et ça, nous l'aimerons chaque fois. N'est-ce pas? Nous aimerons qu'il en soit ici. Parce que Dieu le veut ainsi dans son église. Dans 1 Corinthiens 12 encore, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 11. C'est ça. Bongo. C'est Dieu comme il veut. Et s'il veut, il donne à tel. S'il ne veut pas, il ne donne pas à celui-là. Dieu donne comme il veut. Il nous aimons que cette manière de faire continue. C'est que nous sommes contre les religions organisées. Qui commencent à vouloir par le canal des apôtres ou des prophètes donner tel don à telle personne parce qu'ils trouvent que ça lui conviendrait. Ce n'est pas cela. Laissons Dieu exprimer sa volonté dans l'église. Laissons Dieu conduire chacun comme il veut. Alors, parce qu'il y avait l'amour et que personne ne pouvait souhaiter le malheur de l'autre. On se questionnerait, mais qu'est-ce qui a amené Ananias à mourir, tomber, il est mort, c'est quoi? Est-ce que c'est Pierre qui l'a maudit? Dans le texte que nous avons lu, Pierre ne l'a pas maudit. Loin de là. Il l'a juste interpellé. Mais comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Au lieu de maintenir la dynamique d'amour et de communion, toi tu es cancellé là, vivant, tu dégraines esprit qui n'ont pour China au degré pour ne pas dire la vérité à la fin. La vérité du prix. Tu prends une partie, tu pars remettre. Voyez bien aimé, esprit, il y a mouïd, il y a fraude. Dieu ne tolère pas ça. Vous devez être honnête. En matière d'argent, soyez le plus correct possible. Ne fraudez pas, ne dégrenez pas, ne brisez pas sans autorisation. Vous voulez être béni, soyez correct. Amen. Amen. Ne faut pas dire, oh non. Mais Dieu va comprendre, même Dieu ne va pas me tenir rien. Au message à Kouyiba, va confier aux missions, Zouambongo, au Gessalem Kamoussous. Après nous, en tout, j'ai dépensé autant. Maintenant, justifier, bon, Moussou, si nous avons évité, et puis, Mouyibi. Des voleurs, même des frères, des voleurs, et des sœurs aussi, des voleurs. Voleurs, je n'ai pas me marier, voleuse. On vous envoie chercher la limette. On te donne expressément 500 francs. Mais faut pas penser que c'est lui qui t'a donné 500 et si Zoba, qui ne connaît pas le prix de la limette. Mm-hmm. Des fois c'est un test de caractère. Bon. Et les autres même sont tellement malhonnêtes qu'il va même se donner du temps de comparer là où l'on vend. Plus cher et moins cher. Et il s'arrange à aller acheter là où c'est moins cher. Mais quand il ira donner le compte rendu, il va donner le prix de là où c'est plus cher. Osaka Kamouyibi. Bame mayokuna, batuna pandere, est-ce que moi on va se Il ne faut pas tromper sa propre conscience. N'emprisonne pas ta propre conscience. Il va te bloquer, un jour ça va exploser. Soyez seulement honnête et correct. Amen. Êtes-vous là? Ne dites jamais chasse le Kupamba. C'est pas bon. Vous allez dans un magasin, on vous sert plus que le montant de l'argent que vous avez payé. Peut-être quand tu as pris, tu n'as pas remarqué. Tu retournes à la maison, tu découvres ça. Mon cher ami, va remettre le sujet. Amen, amen, amen. Va remettre le sujet. Amen. Il ne faut pas ligoter ton avenir. Je vais vous donner un exemple banal. Hein? J'ai acheté le baril de réserve d'eau. Voyez les trucs noirs ici. Donc, les magasiniers, ils me connaissent. Donc, et dans l'excès de gentillesse, quand ils me voient, ils deviennent là tout gentils et tout. Ils ont pris trois couvercles qu'ils ont mis là. Alors que j'avais acheté deux. Trois, ils ont mis. Bon, moi j'ai pris. Je vis juste des couvercles bien superposés. Non, bon. On a mis dans le véhicule, je parti. Oh. Quand j'arrive à la maison, on dépouille. Mais comment il y a trois couvercles? Bon, je n'ai pas dit moi, je vais trouver une occupation. Après midi temps pour passer de ce côté-là, je suis rentré. Avec le couvercle. Ils m'ont pris 3 ou 4 jours après. Avec le couvercle la même. Papa docteur, ni. C'est jour wana na zarakiawa. Na somba ki nebosia ki 3 couvercles au lieu de 2. Oh, merci beaucoup. Ton luki avo mingi awa. Mais ton yeba kite, nini. Et comment est-ce que manka awa na kata ya dépôt? Vous voyez, quelqu'un pouvait perdre son travail à cause de ça. Et toi qui prends le couvercle, quand il va aller pleurer là-bas, Dieu va l'écouter. Vous voyez, quoi? Amen. Hein? Mm. Même les petites choses, hein? Attends, vous voyez, correct. Vous allez un autre jour, dans un autre magasin, quelqu'un aimait toujours servir en fermant les yeux. Il a mis, je ne sais pas quoi là, il a mis là. Ah, mais j'arrive à la maison. Non, je vérifie comment c'est, on avait acheté là. C'est pas comme ça. Alors, j'ai reclassé les choses. Non. Ces deux articles, c'est en surplus. J'ai remis ça. Je suis parti. Je suis là, à cet endroit-là. Bonjour, monsieur. Lui commence à dire, mais quel est le problème? J'ai une réclamation. Je dis, pourquoi la réclamation? Je dis, non. Ici, je vous ai payé autant. Mais voilà, j'ai compté. Je pensais que tout était correct. Mais voilà. Vous avez mis plus. Oui, mais vous dites quoi? Dieu ne donne pas comme ça. Il est lui-même la lumière. Il est le roi de justice. Alors il ne donne pas par des cannelles frauduleuses. Soyez honnête. Récupérez ça. Sinon, dites-moi le prix. Appelez-moi le prix ici. Ah, alors quand ils ont donné les prix, je n'avais pas cet argent. Je dis, non, récupérez seulement. C'est tout. Le plus honnête. Ah, bon, non, tant que vous n'avez pas dit, non, mais je n'ai pas l'argent. Restez avec. Ce n'est pas du tout la quantité que je voulais aussi. Oh non, il fallait vous sortir ça parce qu'ils avaient un problème. Non, c'est un problème. Il faut être correct. Amen. Il ne faut pas manger du pain volé. Amen. Même pas une gousse d'arachide volée. Soyez correct dans les petits. Amen. Ce ne sont pas les grandes choses que vous faites. Amen. Mais ce sont les petites choses que vous ne faites pas auxquelles Dieu regarde. Amen. Amen. Et le diable, pour lier les esprits, il entre souvent dans les petites choses comme ça. Il sait que toi tu es déjà une sœur, une vraie sœur, tu ne vas jamais défriser tes cheveux. C'est une grande chose, non? Mais si vous avez un serre, il y a Bimbambala, il y a tantôt plus tôt, il y a un Kalingi, il y a une couleur de Moussou, et des histoires sur la tête. Vous avez un serre, il y a un sur-sur pesaté. Même à sa pasteur, il y a un sur-sur milité. Donc, moi, il y a un serre, mais il y a un sur-sur pesaté. Vous voyez ce qu'il y a. Et là, vous avez une couleur noire ici. C'est quoi le lobby? Photo. Hein? Vous voyez, vous avez un lingue. Ma photo est là, balancer une photo sur une statue sur une île. Je ne sais même pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est un non? Ah, Zambéna, vous savez autre salaire. Mais ça passe, hein? Sans effort. C'est comme des fois, Dieu a amené des messages, des échanges Facebook dans mon compte. Il y avait des gens qui conversaient. Bah, message, côté l'inda, boulou, n'a pas d'effort mon côté. N'a pas d'accord, laisse pourquoi, message, je vais nous combiner. Mais des messages privés de deux personnes. N'a imprimé en haut, n'a bengi moutou. Oh, pasteur, il y a mon ennemi, il y a un mot de passe. Bien. Tu vois, Dieu, on ne se moque pas de lui. Amen. Dans le côté, à tout moment. Amen. Attends, on dit pas mot de passe, on ne peut pas le voir. Dieu peut gâcher le mot de passe. Sachez ça. Avant que vous ayez un bureau, on ait un bon bac, à côté d'un gars. Peut-être que le temps peut encore manquer de t'inviter, mais un jour on va t'inviter. Total, on va comme vous, total, mais oh, frère, présent. Oh, le sait. Qu'est-ce qu'on écrit là-bas? C'est honteux. Mais l'évangile est prêché. Sachez que Dieu a plusieurs façons de nous informer. Et si il ramène la vérité, il peut nous informer aussi de n'importe qui. Amen. De plusieurs façons. Mademoiselle Wana. Bon, et qu'il n'y ait pas pasteur. Amen. Au pasteur, vous dites, n'ayez pas quitté. Mais ça, je n'ai pas de lingayao. Êtes-vous là? Amen. Et yaka? Amen. Nous sommes là, Zambé, dans ma sécurité. Oui. Tobanga, Zambé. Amen. Tobanga, Zambé. Amen. Dieu contrôle tout ce que vous faites. Amen. Quand il le voudra, il peut tout dévoiler. Amen. pense pas être si malin. Plus malin que la malice elle-même. Dieu est au-dessus de tout. Alors, Ananias s'est arrangé avec sa femme. Allons-y, hein. Nous allons dire ça et ça. Les prix autant, nous retenons. Un couple complice du péché. Comment est allé le premier avec Israël? Pensant que c'est pour faire du bien, or il y avait du péché dedans. Il cache une partie du prix, il prend le reste, il pardonne. Mais on ne trompe pas Dieu. Le Saint-Esprit l'a repéré. Il pose la question. Est-ce à ce prix-là? Ananias! Ananias! Oui, pasteur! Oui, frère Pierre! Oui, Pétro! Comment as-tu pu mettre un seul projet dans ton cœur? Quoi? Mais! Sache que ce n'est pas à des hommes que vous avez menti. Mais c'est à Dieu que je suis menti. Voilà. Nous sommes habitués, on mange ensemble, on a la communion. On oublie qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. Il y a des règles. Méfiez vos frères. Même quand on sourit, ton service divin a ses lois. Régnez Dieu. Il ne faut pas trop s'habituer avec Dieu. Il commence à se permettre n'importe quoi. Et il y a la réserve et la crainte de Dieu. Dieu n'est pas votre vieux camarade. Dieu est un père saint. On lui doit la crainte et l'honneur. Tu vois, amen.